Denis. Oui, avec une bière spéciale du service météo qui s'appelle la Pisse Dru. Elle cartonne en ce moment, je vais te dire, la Pisse Dru. Oui, alors bon, la question, est-ce que ça va encore durer? Bien, je réponds, ça commence à se terminer. Voilà, on a encore de la pluie ce matin. Je veux dire, sur l'axe de la Meuse, ça va de Dinan jusqu'à Liège. Sur l'ouest et le centre, ça commence déjà à devenir un peu plus sec, même si c'est très gris. Et sur le sud, eh bien, il faudra que cette bande pluvieuse redescende encore vers le sud dans le courant de la journée. Donc, il va encore pleuvoir un petit peu, mais plus rien à voir avec les jours précédents. Et on peut parler d'une amélioration pour demain et vendredi avec progressivement un temps sec, même si c'est fort gris le matin. Les températures baissent par rapport au jour précédent. 17 à 22 degrés pour demain, 18 à 20 pour vendredi. Probabilité de garder encore un temps sec samedi également. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, la Belgique qui a les pieds dans l'eau. À peu près toutes les régions ont été frappées par les orages, entraînant parfois des inondations, résultat des habitants désemparés et des pompiers débordés. Depuis deux jours, ça n'arrête pas, les pluies. L'eau est quand même au-dessus des garages, une voiture qui flotte, on voit pas ça tous les jours quoi. Ce matin, l'heure est au nettoyage et au constat d'assurance. Nous vous expliquerons comment être dédommagé si vous faites partie des sinistrés. Le plan sécurité de la Belgique pour les années à venir, lutter contre le terrorisme, mais aussi toutes les autres formes de criminalité. Comment réussir à tout faire? Le ministre de la Justice nous le dira. Le discours victorieux d'Hillary Clinton, cette nuit à New York, l'ancienne première dame revendique l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle américaine du mois de novembre. Premier entraînement des Diables Rouges sur le sol français aujourd'hui en préparation à l'Euro. L'équipe belge a intégré hier son camp de base à Bordeaux dans un hôtel placé sous haute surveillance. Dans ce journal aussi, Bérénice Bejo, révélée dans The Artist avec Jean Dujardin, la comédienne est à l'affiche du dernier film de Joachim Lafosse, L'économie du couple. Et les raclettes qui sont donc de sortie dans de nombreuses régions du pays ce matin. Oui, car à peu près toute la Belgique a été frappée par les orages et il y a eu de nombreuses inondations et des coulées de boue. Par exemple, dans le Brabant wallon, la commune la plus durement touchée est sans conteste Genappe, où le plan communal d'urgence a été déclenché. La Dyle a débordé à plusieurs endroits. Des torrents de boue ont dévalé des champs, envahissant les rues et les maisons. Des dizaines d'habitations ont été touchées et il va maintenant falloir nettoyer tout ça. Reportage à Genappe, Duc Van Pel. Les raclettes et les seaux paraissent bien dérisoires face aux dégâts occasionnés par cet orage. Chez cet habitant de Loupoigne, l'eau et la boue ont envahi la cave et le rez-de-chaussée. Tout est retourné, il y a de la boue partout. L'eau s'est infiltrée en même pas, en 10 minutes. Tout était. Vous étiez là quand ça s'est arrivé? Oui, j'étais là avec mes trois enfants. Je les ai montés à l'étage et c'était un peu la crise de panique de voir tout qui est démoli. Un peu plus loin, dans une rue du centre de Genappe, la plupart des maisons ont été touchées. Et ici, tout le monde donne un coup de main pour racler la boue. On a vu quelques images diffusées sur Facebook de gens du quartier. On a pris les pelles et les raclettes et on est venu à vélo, directement aidé. Dans le village de Wey, la Dyle est sortie de son lit et un torrent de boue a dévalé la rue en direction de la place. L'église et plusieurs maisons sont sous eau. La place était un lac, complètement plein de boue, bien sûr. La maison du coin, là, le 5, tous ses appareils sont foutus, sa cave, tout. Monsieur, au 30, là, l'eau était à 10 cm du sommier de son lit, puisqu'il est handicapé. Et vous, monsieur, vous habitez ici, sur la place? Oui, moi, j'habite là, au 26. Moi, j'ai eu de l'eau 10 cm dans la maison. La Dyle est également sortie de son lit à Bouzeval. Des étangs ont débordé, des routes sont coupées. Partout, de la terre, des graviers, des dalles de trottoirs arrachées, de l'eau qui coule, du jamais vu, de mémoire de Genappois. Et par la suite, c'est à Cours-Saint-Étienne que la Dyle est sortie de son lit. Cette nuit, plus loin, à Otigny et Wavre, on craint aussi une montée des eaux, mais pour le moment, pas de problème dans ces deux communes. Dans le Hainaut, là, l'eau continue à monter dans la région de Tournai. Ce matin, les pompiers ont été submergés d'appels de Tournai à Beaumont, en passant par Binche, Ham-sur-Eure ou Les Bons-Villers. Routes inondées, caves sous eau, toitures endommagées, accidents de voiture. La situation a été particulièrement critique à Châtelet. Châtelet touché deux fois en deux jours par les fortes pluies. Julien Goulens, sapeur-pompier à Charleroi. C'est difficile depuis deux jours, ça n'arrête pas. Les pluies. surtout du côté de Châtelet, Bouffiou, c'est deux jours d'affilée et on n'arrête pas, quoi. Vos interventions consistent en quoi exactement? Surtout vider des caves, des routes inondées, du tarmac qui se lève, un peu de tout, quoi. Ici, la situation est particulièrement difficile. Mais c'est vrai que c'est grave ici parce que l'eau est quand même au-dessus des garages, une voiture qui flotte, on ne voit pas ça tous les jours, quoi. Un pompier de Charleroi rencontré par Cédric Loriot. À peu près toutes les régions de Wallonie ont été touchées. Donc Bruxelles aussi, là aussi des inondations. Par exemple à Woluwe-Saint-Lambert, la Woluwe est sortie de son lit et l'eau s'est engouffrée dans le shopping, le centre commercial situé à proximité. Des milliers de personnes touchées par ces intempéries à travers le pays. Après avoir tenté de limiter les dégâts, il faut penser à l'après. Yasmina Favaro, que doit-on faire pour être indemnisé? Alors, premier réflexe, contactez votre assureur. Les dégâts causés par les tempêtes, foudres, grêles et inondations sont couverts automatiquement par votre assurance incendie. Si c'est votre voiture, là, c'est l'Omnium qui intervient. Deuxième réflexe, cherchez l'appareil photo, comme nous l'explique Julie Pess, courtier en assurance. On essaie de faire un maximum de photos, d'avoir un maximum d'éléments parce que les experts ne sont pas encore désignés. Il va y avoir plusieurs experts qui vont être désignés par la compagnie. Une fois désignés, les experts viendront estimer les dommages et les photos du sinistre seront bien utiles. Photos de l'habitation inondée et photos des dégâts après le retrait des eaux. Pensez aussi à les lister par écrit et à joindre au dossier les photos de la maison avant l'inondation. Si vous avez encore la facture de certains objets abîmés, eh bien ajoutez-la. Et puis il y a aussi le fameux fonds des calamités. Hein. Oui, pour ça, il faut que ces orages, ces inondations soient reconnus comme catastrophes naturelles dans votre commune. C'est un pouvoir qui revient aux régions depuis la 6e réforme de l'État. Alors prévenez donc votre commune rapidement, car ce sont elles qui vont introduire un dossier de reconnaissance auprès de ce fonds. Mais sachez que depuis presque 10 ans, ce sont les compagnies d'assurance qui assument le risque des inondations. Le fonds des calamités n'intervient que dans certains cas. Écoutez à ce propos Wauthier Robbins, le porte-parole d'Assuralia, l'Union professionnelle des entreprises d'assurance. Pour des dommages de nature agricole, donc dans le domaine agricole, le fonds des calamités garde tout son sens. Également pour des personnes qui n'ont pas de quoi se payer une assurance incendie, là, on pense aux personnes qui dépendent de leur CPAS. En tout cas, il faudra apporter la preuve du fait que si on vient frapper à la porte du fonds des calamités, c'est bien parce qu'on vivait de l'assistance publique et on n'avait donc pas de quoi se payer une assurance incendie. Ça concerne les habitations. Par contre, c'est possible pour votre véhicule si vous n'avez pas d'Omnium. Merci Yasmina Favaro pour ces conseils qui seront précieux pour toutes les personnes sinistrées par ces inondations. Dans le reste de l'actualité, cette question, comment rendre la Belgique plus sûre? Eh bien, les différents gouvernements ont établi leurs priorités. Oui, une liste de 10 priorités, avec en tête bien sûr la lutte contre le radicalisme, mais sans négliger les autres formes de criminalité, la drogue, le trafic d'êtres humains, les infractions de roulage, le non-respect de l'environnement, les fraudes fiscales, alors ça fait beaucoup. Les moyens actuels sont-ils suffisants pour tout faire? La réponse de Koen Gaens, le ministre de la Justice. Ce n'est pas toujours, et même pas surtout, une question de moyens. C'est une question de convergence de l'utilisation des moyens. Si vous voyez le budget que nous avons, toutes les entités fédérées et l'État fédéral ensemble, nous avons un budget formidable par rapport à des pays qui nous entourent, en termes du produit national brut. Donc il faut surtout se concentrer et focaliser sur la coopération. Et si on fait ça, police locale, police fédérale, sûreté de l'État, parquet, on arrivera au bon résultat. Koen Gaens, confiant au micro de Pierre Magos. Les lieux de l'accident sont à présent dégagés à Saint-Georges-sur-Meuse. L'une des deux voies de chemin de fer pourrait être remise en service à la mi-journée et la seconde peut-être ce soir. La boîte noire du train de passagers a été récupérée hier. Elle a été acheminée à Malines pour être analysée par des experts dans l'espoir de déterminer les causes de l'accident qui a coûté la vie à 3 personnes dimanche soir. Cette fois, c'est certain, Hillary Clinton sera donc la candidate démocrate dans la course à la Maison-Blanche aux États-Unis. 6 États votaient encore hier pour les élections primaires. Il s'agissait du dernier Super Tuesday, le super mardi. Hillary Clinton arrive en tête dans la plupart de ses primaires, notamment dans le New Jersey et le Nouveau-Mexique. Elle dispose désormais de suffisamment de délégués pour revendiquer l'investiture démocrate. On écoute Hillary Clinton face à ses partisans hier soir à New York. Thanks to you. We've reached a milestone. Grâce à vous, nous avons franchi une étape importante. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une femme est investie par l'un des grands partis. Vos efforts nous ont permis d'obtenir une vaste majorité du vote populaire, des victoires dans la majorité des scrutins et après ce soir, une majorité de délégués. Hillary Clinton préférée à Bernie Sanders, donc comme candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine du mois de novembre. Hillary Clinton qui sera opposée au républicain Donald Trump. 8h10 dans le 8-9 Sport, ils sont arrivés, les Diables Rouges sont à Bordeaux. Oui, et ils espèrent y rester évidemment le plus longtemps possible, aller le plus loin possible dans l'Euro. Cela dit, ce qui a marqué les esprits à l'arrivée de l'équipe belge hier, c'est l'important dispositif de sécurité, François Zaleski. Oui, depuis les attentats de Bruxelles, l'UEFA a classé la Belgique parmi les nations à risque pendant cet Euro, tout comme la France, l'Allemagne, l'Angleterre et le Portugal. À peine arrivée, la délégation belge a été prise en charge sur le tarmac par un bus de l'organisation fouillé au préalable. Les Belges ont ensuite évité toutes les formalités classiques et ils ont rejoint leur camp de base escorté par des motos, des voitures de police et des voitures banalisées, en tout une dizaine de véhicules dans lesquels ont pris place plusieurs membres du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale qui va d'ailleurs encadrer l'équipe belge 24 heures sur 24 avec 5 membres de ce GIGN qui logeront à moins de 5 minutes de l'hôtel des Diables pour intervenir en cas de besoin. Et à ce dispositif, il faut encore ajouter une vingtaine d'agents de sécurité qui suivront aussi les Diables dans l'hôtel et dans le centre d'entraînement. Un centre d'entraînement que les joueurs vont découvrir dès ce matin. Oui, dans le splendide domaine du château du Haillan. Marc Wilmot s'y dispensera d'abord un entraînement à huis clos ce matin à 10h. Le premier contact avec la population bordelaise, c'est pour cet après-midi avec le seul entraînement public des Diables à 16h dans le stade Chaban-Delmas. On y attend la grande foule puisque 20 000 personnes ont été invitées à assister à cet entraînement, essentiellement des écoliers de la région. Et avec l'Euro qui approche, la folie des vignettes Panini a repris chez les enfants et parfois chez leurs parents aussi d'ailleurs. Ces photos autocollantes des joueurs qu'on s'échange pour compléter son album. Dans les écoles, ce troc excite beaucoup les élèves et provoque parfois quelques problèmes. Léla connaît bien le phénomène. Elle est éducatrice dans une école primaire de Bruxelles. Parfois c'est source de conflits et de bagarres. Parce qu'on échange, ah ben non je voulais pas et on reprend et donc voilà. Et il y en a qui ont les moyens, il y en a qui n'ont pas les moyens, donc ça ne doit pas être à l'école. Puis alors, on se les fait voler ou voilà, on s'échange et puis ça se perd. Ça... Non, franchement, c'est voilà, une collection, ça reste à la maison. Et à vous de surveiller tout ça en plus. Ouais, voilà, mais moi je suis payée pour, donc ça, c'est pas grave. C'est plus voilà, pour les enfants, ça fait mal au cœur pour eux, hein, s'ils les perdent ou c'est quand même de l'argent. Il y en a qui sont tristes parfois ou... Ah bah oui, si vous avez un paquet de cartes, et je pense qu'ils vous répondront eux-mêmes. Hein. Et les si papiers, tu perds ton paquet de cartes. Bah, je suis dégoûtée. Voilà, il sera dégoûté. Aussi, il y a les déchets dehors dans la cour. Bah, ça aussi. Donc c'est un facteur de problème supplémentaire, vous trouvez, à l'école. Supplémentaire? Non, de toute façon, si c'est pas ça, ça sera autre chose. Il y a toujours quelque chose, hein. Une éducatrice rencontrée par Fabrice Gérard dans la cour de récréation d'une école de Skarbek. Dans le reste de l'actualité sportive de ce matin, d'abord ce décès que vous venez d'apprendre, François Zaleski. Oui, dans le monde du football, Stephen Keshi, le défenseur nigérian qui avait évolué au Sporting d'Anderlecht dans les années 80, serait décédé ce matin. C'est sa fédération qui l'annonce, la fédération internationale kenyane. Il avait 54 ans. On y reviendra bien sûr un peu plus tard. Le siège de la Pro League a été perquisitionné hier. L'organe qui régit la compétition de Division 1 est soupçonné d'infraction fiscale. Des disques durs ont été saisis par la police judiciaire. Pierre-François, secrétaire général de la Pro League, ne souhaite pas réagir pour le moment, mais déclare n'avoir aucune appréhension par rapport à cette enquête. En basket, quatrième manche de la finale des playoffs. Ce soir, Alost doit absolument gagner pour empêcher Ostende d'être champion pour la cinquième année consécutive. Et puis bien sûr, Christophe, un mot de cinéma avec un film belge qui a eu les honneurs du Festival de Cannes il y a quelques semaines. C'est L'économie du couple de Joachim Lafosse. Oui, après deux films basés sur des faits divers, et notamment, on s'en souvient, à tort ou à raison, inspiré des infanticides de Geneviève l'Ermite, Joachim Lafosse revient avec un drame familial qui nous raconte la fin d'une histoire d'amour. Après 15 ans de vie commune et deux petites filles, nos deux héros ne s'aiment plus, c'est la rupture, mais ils doivent cohabiter car le papa n'a pas les moyens de se reloger. Hein. C'est une situation malheureusement de plus en plus fréquente dans nos grandes villes aux loyers impayable. L'héroïne est incarnée par Bérénice Bejo, l'actrice française révélée par The Artist et lauréate d'un prix d'interprétation à Cannes. Bérénice Bejo qui nous explique pourquoi, selon elle, il est important de raconter ce genre d'histoire simple au cinéma. je trouve ça intéressant, surtout pour dépeindre l'être humain, quoi. Parce que dans ces moments-là, l'être humain, on devient terrible, mesquin, violent. Des moments, il y a des scènes qui sont ridicules dans le film. C'est-à-dire qu'ils se disputent pour un morceau de fromage. Et c'est une histoire terrible. Ils ont construit, ils ont acheté une maison, ils ont eu des enfants, ils y ont cru. On sent que ça a été un vrai couple. Et ils sont arrivés à un moment donné, ils ne s'aiment plus. Et elle est en colère. Donc tout ce qu'elle a aimé chez lui et tout ce qu'elle a supporté par amour, à ce moment-là du film, ce n'est plus possible. L'économie du couple de Joachim Lafosse, vous avez beaucoup aimé, je le sais, hein, Cathy. Énormément, c'est un très très gros coup de cœur. Alors je sais qu'a priori, est-ce qu'on a envie d'aller au cinéma pour voir une histoire de séparation? J'ai envie de dire oui, parce que l'émotion est au rendez-vous et qu'on peut tous s'identifier, qu'on ait été largueur ou largué ou enfant de divorcé. On se reconnaît dans ces situations et Joachim Lafosse a l'intelligence de n'appuyer sur rien. Tout est dans les non-dits, ils se disputent en effet pour un bout de fromage et on découvre les petites tensions quotidiennes avec des acteurs formidables. Ça, c'est bien comme portrait chinois pour voir à qui on a affaire. Vous êtes largueur ou largué? Allez, tour de table, Sarah, vous êtes largueur ou largué? Aucun des deux, je suis très bien. Aucun des deux. Christophe, vous êtes largueur ou largué? Dragué et largué. Et dragueur. Vous êtes dragueur, largueur, largué, Jérôme? Toujours dragueur, toujours largué. 100% gagnant, c'est comme au loto. Tous ceux qui ont joué... et tirage. Tous ceux qui ont joué ont gagné. 8h16, voici un nouveau 8-9. Hé, il y a 100 000 euros à gagner au concours foot de Krefeld. On y va, les gars? Ouais, tous ensemble, Krefeld. Les meilleurs prix, service compris. On n'a pas qu'un peu d'infos à vous donner. Yann Renka, d'abord, on va rue Louvrex avec des bus qui doivent faire demi-tour là-bas. Exactement, la jonction Saint-Gilles-rue Louvrex, deux véhicules mal garés ont dû faire déplacer des bus et camions qui ne savaient pas passer, qui ont dû faire demi-tour. Et donc, vous imaginez les files qui se sont créées dans ce quartier. Alors, voilà, la brigade moto est sur place et des véhicules ont été dégagés. Mais les files remontent sur le boulevard de la Sauvenière, à Vroy, sur la rue Voison. Et donc, il faudra quelques minutes encore pour dégager tous ces véhicules. On va vite sur l'A602 maintenant, Lons Saint-Chenet. Vous connaissez le chantier du Mont-Ligien. On coule la dalle de béton sur le pont, mais apparemment, du béton passe à travers les dalles et coule sur les voitures qui sont en dessous. La police se rend sur place, donc prudent si vous abordez ce pont du Mont-Légia ce matin. Et puis je vous rappelle cet incident également sur la route 6, nationale 633 entre Chanques et Comblain-au-Pont avec des câbles électriques sur la route. Prudence. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Exclusivité RTBF. Dans une semaine, nos diables seront à l'euro. Enflammez le supporter qui est en vous. Avec nous, l'euro sera bleu, blanc, diable. À l'occasion de la 12e édition de la Semaine Bio, organisée partout en Wallonie et à Bruxelles du 4 au 12 juin, Vivacité et la PACW vous offrent des paniers bio. Écoutez le 5 à 7 avec Cyril et partez à la découverte de cette semaine riche en activités. La Semaine Bio, allez à la rencontre des acteurs du secteur bio, en collaboration avec la PACW. Je vais m'offrir deux ou trois petites choses. Ce bikini, la paire de bottes là, cette superbe robe noire aussi. Et puis les lunettes de soleil, ce jeans magnifique bien sûr. Et vous, les escarpins, que feriez-vous avec 6000 euros? Par écart by Van der Heijden, des voitures presque neuves, nettement moins chères que les neuves. À Mélin-Soumagne, Henri-Chapelle, Verviers et Eupen. Showroom online sur eurecar.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Un éclat dans votre pare-brise est toujours embêtant. Heureusement, Carglass est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Carglass est toujours prêt à vous aider, aussi vite que possible. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les temps de Quechua se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi pour tous les... Hé, les enfants, regardez le sommet. Quand on y est, on monte le camp, d'accord? Pour eux et tous les autres sportifs, maintenant le sport est plus facile. Decathlon, à fond la forme. Ce samedi chez Bricot, tout sera à moins 20% pendant les deux premières heures d'ouverture. Moins 20%. Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Bricot. Pour les makers, Bricot. Toi, allez, Ah, enfin quelqu'un qui s'arrête. Bonjour, vous allez en direction de Forêt? Je vais au concert des Strolling Rocks. Strolling Rocks? C'est nous les Strolling Rocks! Oh, come on, jump in! Oh, trop bien! Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Par exemple, la Polo de Volkswagen. En ce moment, climatisation et peinture métallisée gratuite. Mais aussi une réduction exclusive de 2000 euros. Plus d'infos chez votre concessionnaire Volkswagen ou sur volkswagen.be. Ah, je demande un effort de mémoire. Vous vous souvenez du tube de Camini, Marley Gaumont, c'était en quelle année? On croit que c'est... 2004 2007 2007, madame. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marley Gaumont. Vous vous souvenez de ce tube? Camini qui racontait en chanson comment il arrive dans un bled, Marley Gaumont, où les gars ont jamais vu un noir de leur vie. Eh bien, la chanson est devenue un film qui s'appelle Bienvenue à Marley Gaumont, dont on parlera tout à l'heure avec Camini. C'est l'histoire du papa, donc, de Camini, qui arrive dans ce bled. Et effectivement, là-bas, on n'a jamais vu un noir. Et donc, ce papa, qui est médecin, attend désespérément la patientèle. La salle d'attente reste vide, vide, vide. Et c'est tout le cheminement, un, pour s'intégrer, deux, pour avoir quelques patients. Et comment on fait, Cathy, pour avoir des patients quand la patientèle ne vient pas? On va boire des coups avec les gens du village. Et ben voilà, rien de tel qu'un prigonnet. Et c'est un médecin. Oui. Ouais. Ah oui, madame. Et un médecin qui joue aux fléchettes tout en picolant, si tu vois ce que je veux dire. On en parle avec Camini tout à l'heure, notre invité. Jérôme Cactus, il est 8h21. Paul Furlan l'a annoncé hier. Chaque propriétaire de panneaux photovoltaïques devra payer en moyenne 200 euros par an et ils ne seront pas les seuls. Oui, bonjour à le mâle, à le femelle. Alors, juste un mot sur la météo, encore une nuit terrible, hein, tempête, grêle, des inondations partout. Heureusement, ce matin, une dépêche rassurante, une petite bulle de bonheur. Merci Christophe Grandjean. Les diables arrivent à l'instant dans la salle du petit déjeuner de leur hôtel bordelais. Les céréales abondent sur l'étal, les jus de fruits ont été pressés à bonne température, le pain est frais. Alors vous qui nous écoutez du fond de votre living envahi par la boue et les déchets organiques, ouf, les diables se nourrissent. En vue de leur premier entraînement sous le soleil du sud-ouest girondin, la vie est belle et félicitations à Marwan Fellaini qui a réussi la gageure d'arborer une coiffure encore plus ridicule que celle de Raja Nainggolan. Il fallait le faire, tant le casoar tatoué avait placé la crête très haute, un mix capillaire entre Tina Turner et une choucroute garnie. Voilà qui va déstabiliser, en plus du bon goût, les défenses adverses. J'espère que tout cela met un peu de baume au cœur et au portefeuille de ces râleurs de Wallons qui se sont encore manifestés sur les réseaux sociaux après l'annonce de cette taxation aux panneaux photovoltaïques. Alors, je l'admets, avec un temps pareil, te faire annoncer que tu vas devoir payer 200 euros par an minimum pour tes panneaux photovoltaïques, tu te dis quand même que si la trahison politique n'est pas contagieuse, l'escroquerie d'État est épidémique. Jean-Marc Nollet nous l'avait déjà promis. Jean-Marc Nollet, donc le grand beignet chlorophylleux, qui, à funeste coup de certificats écolos, nous avait enfumé il y a quelques années en promettant des primes, des dividendes, des retours sur portefeuille avant que la piraterie ne fût éventée. La piraterie, Jean-Marc Nollet, rebaptisé d'ailleurs à l'époque Racam le Vert. Mais vous, dès lors, le gouvernement wallon, jamais à court d'idées novatrices lorsqu'il s'agit de remplir ses caisses par lui-même percé, fait montre dans ce dossier d'une habileté prodigieuse. Il impose une taxe à ceux-là même à qui il avait promis d'octroyer des rabais grâce à leurs investissements propres, mais en sus oblige ceux qui n'ont pas eu les moyens d'effectuer ces investissements de participer à l'effort collectif. C'est du génie. On va le perdre, hein, il est vraiment fâché. Une piqûre, hein, là, mais vous allez voir qu'ils vont bientôt nous pondre une taxe au prorata de la longueur du cordon ombilical lors des accouchements. Ils vont le faire, les cordons ombilicaux, pour délier ceux de nos bourses avec un impôt sur le nombre d'heures de travail sur la table d'accouchement, une taxe soda défiscalisant le liquide amniotique et une TVA sur le poids du placenta. Ils vont le faire. Paul Furlan l'a dit, il faut contribuer. Il y a des frais, monsieur Maréchal, de faramineux et gigantesques frais de gestion, garantie, de conventionnement, direct, indirect, communaux, provinciaux, transactionnels, comptables, forfaitaires, locatifs, administratifs, j'ai mal à mon tige, il y a des frais. C'est sûr. Imaginons-nous bien que le gouvernement wallon taxe tant sa population que le MR veut faire grève. C'est Bernard Madoff qui traite René Tonneau d'escroc. Si ça intéresse quelqu'un, Marc Wilmots vient de prendre deux œufs brouillés. Alors je poursuis. Le racket est à 12 sur l'échelle de Junker. L'extorsion de fonds de culotte, le rançonnement, monsieur Maréchal. témoin à cette bribe de conversation, oui, par moi-même, chez un Wallon sinistré, qui s'enquérait au téléphone des procédures avec, à l'autre bout de la ligne, un séïd vampirique de l'administration des finances. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est le gouvernement Wallon. Avant de nous pencher sur votre dossier, faisons suite à ces légers crachins. Vous n'avez pas de télévision ? Ah non, non, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas grave, vous paierez quand même la redevance. Vous n'avez pas de panneau photovoltaïque. Ah non, non, j'avais pas les moyens. Ce n'est pas grave, vous paierez quand même la taxe. Vous n'avez plus d'argent du tout, en fait. Non, là, je n'ai plus. Ce n'est pas grave, on demandera à vos enfants. Vous avez des questions ? Est-ce que c'est bien normal, tout ça ? Moi, par exemple, je n'ai jamais fraudé. Vous n'avez jamais fraudé ? Vous allez nous le payer ! Bah, si avec ça, il ne devient pas le porte-parole des propriétaires de panneaux photovoltaïques. Bon sang, alors maintenant, vous allez me respirer deux secondes parce que... De l'apnée, monsieur Maréchal. Faites 4 minutes. Comme quand vous avez accouché. Faites le chien avec moi. Allez-y, parce que je suis inquiet. Allez-y, vous faites un labrador, monsieur Maréchal. C'est beaucoup trop gros. Ah oui, mais j'ai accouché comme un labrador. Ah bah oui. Bon, au revoir sur la page Facebook du 8-9, bien évidemment. Vous voulez jouer au Kikadi tout à l'heure ? N'oubliez pas de vous inscrire dès maintenant. Il y a une place, 3063. Je veux jouer. Nom, prénom, coordonnées complètes. Et on essaiera de parler en apnée tout à l'heure en essayant d'être le plus rapide possible. C'est le Kikadi. Mais n'essayez pas ce jeu. C'est très compliqué. Un Zap Télé Express, Sarah, à 8h25. Combien de Belges ont Netflix ? Netflix, vous voyez ce que c'est, cette plateforme de vidéos à la demande arrivée chez nous en septembre 2015, donc l'année dernière. 400 000 Belges utilisent Netflix par jour, c'est quand même énorme. Ouais. Plus de francophones que de flamands. On est à 5,9% de francophones contre 5,2% de flamands, donc ça se tient, mais plus de francophones donc que de flamands. Et le Belge passe 9 heures devant les médias connectés. Wow. 9 heures par jour, c'est juste énorme. 400 000 Belges, il y a des émissions de télé qui ne font pas autant d'audience. Il y a des émissions qui ont moins de 400 000 chiffres de Netflix Zap Télé. On va vers l'info dans une toute petite seconde. Depuis des années, JC Car vous garantit un service VIP pour votre Land Rover. Dès le 1er juin, retrouvez la même qualité de service pour la réparation de votre Jaguar. Votre Land Rover et les réparations officielles Jaguar méritent le meilleur. JC Car à WEM. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux. On va dans le potager et on plie les genoux, on fait un trou, on plante un chou et on se relève. Et un et deux et trois petits trous, on relâche bien les genoux et on y retourne. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, m'ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Le futur vous ouvre ses portes chez Nissan. Venez fêter avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Découvrez aujourd'hui les technologies de demain et profitez de nos Techno Deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. Nissan. Innovation that excites. C'est grave, docteur ? Non, c'est une petite bentekite, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi ? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin. En exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Info en magasin et sur faitonlefoot.be. Vivacité et Etias présentent les 15 ans du BSF. Du 5 au 14 août, avec Louane, Ouverphonic, Cœur de Pirate, Louise Attaque, Emma Bale, Lost Frequencies et plus de 70 autres artistes. We love music, we love Brussels. Info et tickets, bsf.be, avec la Loterie Nationale. Qui va gagner ? Ce sera une bataille endiablée ou un coup de poker. Avec un carré de roi, toutes les dames seront là. Et la foule aussi. Précipitez-vous. Cette semaine, un jeu de 52 cartes gratuit avec la DH, avec des noirs, des rouges et bien sûr, un peu de jaune. Cette semaine, un jeu de 52 cartes signé Pader, gratuit avec la DH. Et vous nous rappelez, Christophe, l'actualité de ce mercredi. Les orages nous ont quittés, mais ils ont fait de gros dégâts. Aucune région n'a été épargnée par les fortes pluies et parfois les cours d'eau ont débordé. L'eau monte d'ailleurs encore ce matin dans la région de Tournai. Le fonds des calamités pourrait intervenir si les inondations sont reconnues comme catastrophes naturelles. Cette fois, c'est certain, Hillary Clinton sera la candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine du mois de novembre. Elle a remporté la plupart des élections primaires organisées hier. En sport, les Diables Rouges sont arrivés à Bordeaux hier soir. Premier entraînement ce matin pour préparer le premier match de l'Euro. Ce sera lundi prochain contre l'Italie. Bon, si vous êtes dans le nord du pays, retour à un temps plus sec. Malheureusement, dans la moitié sud du pays, là, on s'attend encore en cours de matinée à une météo qui est plutôt perturbée, avec de la pluie, mais a priori pas d'orage. Ça, c'est une information importante. Et tout à l'heure, les maxima annoncés à 23 degrés. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le Hainaut occidental, le Brabant wallon, Bruxelles, la Flandre, les intempéries n'ont épargné pratiquement aucune région du pays. Les interventions des pompiers se comptent par milliers depuis hier soir. Et ce matin, il faut encore jouer de la raclette et du saut, surtout dans la région de Genappe et de Cours-Saint-Étienne, ainsi qu'à Charleroi. Dans l'est du pays, les localités de Delain, Limbourg et Welkenrade font leur compte. Les dégâts sont parfois très importants. Le centre funéraire de Welkenrade, par exemple, est inutilisable. Le temps de réparer les dégâts, les crémations sont transférées à Liège, comme nous l'a expliqué le directeur Dominique Doté. Il y a des dégâts que nous ne pouvons pas encore chiffrer actuellement. Le centre funéraire est momentanément inopérant pour la partie crémation. Nous avons prévenu tous nos entrepreneurs de pompes funèbres. On leur a proposé le service, le dépannage, et ceux qui la plupart ont choisi ce système. Donc ils ont récupéré les cercueils qui étaient chez nous et les ont emmenés en chambre froide à Liège. Mais nous mettons néanmoins tout en œuvre pour assurer le service des cérémonies d'adieu et les salons de réception pour les familles endeuillées. Et Néomansio, comme vous le savez, c'est une intercommunale, nous disposons de deux sites, et le site de Liège a pris la relève pour proposer les crémations des familles qui le souhaitent vraiment. François Brébant avec Michel Servet à Welkenrade toujours. L'école communale restera fermée aujourd'hui encore. L'électricité n'y est toujours pas revenue. Au chapitre social à présent, on commence dans les prisons, Martial Giot, où le conflit s'enlise. C'est le sentiment des gardiens de prison. Leur grève en est ce mercredi au 45e jour. Les agents de Lantin et de PEF ont organisé des barrages routiers en début de semaine, comme hier au zoning des Haussards. Ils pourraient mener d'autres actions, mais dorénavant, ils ne les dévoilent plus à l'avance. Côté négociation, les syndicats s'attellent à l'élaboration d'une nouvelle contre-proposition à présenter au ministre de la Justice. Autre conflit chez Intradel, et ceux qui comptaient se rendre dans un reciparc aujourd'hui trouveront à nouveau les grilles closes. L'Assemblée Générale du syndicat CGSP a en effet décidé de poursuivre le mouvement de grève qui perturbe le service de l'intercommunal de traitement des déchets depuis hier. Les collectes d'ordures ménagères et d'organiques restent perturbées, voire annulées, et les reciparcs sont donc inaccessibles. L'intercommunal invite la population à suivre l'évolution de la situation sur son site et sur les réseaux sociaux. Cette situation peut en effet évoluer en fonction d'assemblées générales organisées quotidiennement. Deux jours après l'accident ferroviaire de Hermal-Souy, l'enquête prend une nouvelle tournure grâce à la découverte des boîtes noires de l'automotrice. Elles ont été récupérées et sont en cours d'analyse dans un labo à Malines. Elles révéleront sans doute les raisons de cette collision. Cela dit, ce genre de drame est toujours la conséquence d'un concours de circonstances et les causes, Michel Gretry, sont multiples. La seule quasi-certitude à ce stade, c'est que le premier train, le train de marchandises, peut se trouver là. Son machiniste a respecté la procédure dite du rouge permissif. Il a marqué l'arrêt à un signal, il a rempli le formulaire S421 et il a redémarré au pas. Tant qu'il n'a pas dégagé, le feu derrière lui doit en principe interdire tout franchissement. Est-ce bien le cas ? La foudre tombée en début de soirée sur une cabine électrique a pu perturber les transmissions. Selon les premiers éléments de l'enquête, à 23h, les réparations sont toujours en cours. La SNCB a pourtant annoncé, 90 minutes plus tôt, un retour à la normale, mais en langage de cheminot, la normale peut qualifier modifier une circulation avec des restrictions de sécurité. S'il ne s'agit pas d'un défaut technique, si les deux lampes jaunes ont fonctionné, pourquoi le conducteur du deuxième train, le train de voyageurs, a-t-il continué? Peut-être parce qu'il n'a pas vu, ou vu tardivement, c'est une zone courbe et de très fort brouillard. Et puis, la balise TBL1+, la balise out après le signal dans le sens d'entrée dans l'agglomération liégeoise, qui aurait pu ou qui aurait dû déclencher un freinage forcé, émet à cet endroit non pas l'impulsion habituelle du système TBL1+, mais une impulsion plus passive, moins automatique, comme dans les années 60, à l'époque dite des crocodiles. C'est un syndicaliste qui évoque cette anomalie, sans prétendre qu'il s'agisse de la cause de la collision. Les investigations s'annoncent difficiles. Les accords belgo-italiens sur l'immigration ont 70 ans. Plusieurs événements seront organisés autour de la date anniversaire du 23 juin pour se souvenir de l'arrivée massive de ces trains remplis d'ouvriers qui venaient travailler dans les charbonnages. 70 ans plus tard, comment les enfants perçoivent-ils cette immigration? David Watley s'est rendu à l'école Saint-Martin à Ougrée. Dans cette classe de 6e primaire, beaucoup d'enfants sont d'origine italienne. Ici dans le quartier, l'Italie, ça représente beaucoup, ça représente la nourriture, il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Italie, qui parlent italien, il y a de tout d'Italie ici un peu. On parle beaucoup plus fort, on crie tout le temps, il y a la plage, il y a le soleil, il y a tout. Et ça met beaucoup d'ambiance dans la maison. Et là, t'es fière d'être italien? Plus que fière. Les Italiens, ils ont fait un truc pour le mieux du monde et ça a mangé. Ben moi, c'est mon papa qui fait les plats les meilleurs. Les pasticcios, il les fait, il fait la pâte maison, il fait la sauce maison, il fait tout maison. C'est quoi le secret pour qu'elle soit les meilleures du monde? Ah ça, je peux pas vous le dire, c'est un secret. Pour toi, l'Italie, ça représente quoi? Ah ben, c'est mon pays. Mais je suis née en Belgique, mais ça restera mon pays. Et puis je vous rappelle cet incendie qui s'est déclaré hier en début de soirée dans les locaux de la pâtisserie Darcy à Verviers. C'est le second incendie en moins d'un mois là-bas et comme le 20 mai dernier, il semblerait que le feu ait pris au niveau des caves de l'immeuble. L'origine du sinistre n'est cependant pas encore connue. À 9h, c'est vous qui dites les trois débats sur la table. D'abord, l'image de cette ville wallonne, Mons, devenue une ville poubelle, des déchets partout. Est-ce que ça a du sens, des éboueurs qui ne ramassent plus les poubelles pour protester contre le gouvernement fédéral? Vous le direz. Cette fois, c'est tout le pays qui a connu le déluge. Qu'avez-vous vu? Quels dégâts? Qui est coupable? C'est le chapitre inondation. Et puis l'action Dites-moi bonjour. Depuis hier, chaque Belge est invité à saluer les inconnus dans la rue pour nous relancer. C'est naïf? C'est nul? Ou c'est utile? Zoé Boss, standard ouvert. Et on a un problème de son avec le standard, visiblement. Zoé, rapidement, est-ce qu'on vous entend? Je vous donne le numéro de téléphone, puisqu'on a un souci de connexion. 070-233-466. 070-233-466. Et l'équipe est déjà en place et à votre disposition. BF Mobile Info, Yadranka, c'est débloqué de partout. C'est débloqué de partout, c'est merveilleux. Tout fluide, tout axe. Oui, bon bah attention quand même qu'au niveau du CHR qu'on est en train de construire au Mont-Légia, là par contre, c'est pas encore garanti. On a donc annoncé des coulées de béton qui tombaient du pont qui est en train d'être bétonné. Et donc il faut faire gaffe, ça passe à travers les dalles, on nettoie la chaussée en dessous. Donc prudence à l'approche de ce chantier, prudence également sur la Nationale 633 entre Chanques et Comblanon-Pont. Je rappelle qu'il y a des câbles électriques sur la route et qu'il le passage est difficile dans les deux sens avec des branches d'arbres aussi signalées à cet endroit. Et puis un accident si vous allez vers Namur. À hauteur de Fernelmont, la bande de droite est neutralisée, défile à partir de Coutouin en direction de Namur. Prudence et bonne route. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Le 8-9 revient dans un instant avec Benjamin Maréchal et son invité aujourd'hui, c'est Camini évidemment. Bientôt la fête des pères. Vous n'avez pas encore trouvé de cadeau? Ça tombe bien, Vivacité vous offre des Samsung Galaxy S7 Edge. Pour avoir la chance d'en remporter un, écoutez Cyril dans le 5 à 7, du lundi au vendredi, dès 17h. Bonne chance et surtout, bonne fête à tous les papas. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elles glissent sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal s'il croit lui faire peur. Grâce à l'option Grid Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269€ par mois, taxes, assurances et entretiens compris, et sans apport. Découvrez-le lors du week-end de lancement, les 11 et 12 juin. Offre de location full service sont mises à condition réservées aux particuliers. Moi, j'aime terminer les repas par un fruit bien sucré. Ah ben ça, c'est vrai que c'est bon, hein, monsieur Marc? Oh, bien sûr, petit. Surtout si on prend nos bonnes cerises bien rouges et sucrées à point. Pour terminer un repas, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ha! Ouais, même quand il n'y a pas de gâteau en dessous de la cerise, hein, monsieur Marc? Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses cerises bien rouges sont à seulement 3,69€ le sachet de 600 grammes. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. De 8 à 9, le 8-9. Ah bah évidemment, de 8 à 9, le 8-9, quoi d'autre? Il y aura quoi au cinéma tout à l'heure, Cathy? Du Michael Moore, le retour de ce grand réalisateur de documentaires du cinéma belge, et puis Marly Gaumont. Ah bah évidemment, vous vous souvenez donc de Camini avec le tube Marly Gaumont? Je connais pas les paroles. C'est le mauvais flow. Quel beat. Le tube 2007, et puis on a un peu perdu Camini. Il revient parce qu'il a co-écrit ce film qui s'appelle Bienvenue à Marly Gaumont et qui est donc en film l'histoire de l'arrivée de sa famille dans un bled de Marly Gaumont où on n'a jamais vu de black. Camini est en ligne ce matin, bonjour. Bonjour tout le monde. Eh ben, vous venez nous parler de ce film qui va donc raconter la vie de votre papa, joué par un Belge qui est Marc Zinga. Je fais rapidos le début de l'histoire, on est en 1975 et donc votre papa a fait des études de médecine à Lille. Est-ce que c'est vrai, voilà, ça, qu'à un moment, Mobutu l'appelle pour devenir le médecin personnel de Mobutu, ou c'est une blague? Alors, c'est pas Mobutu en personne qui l'appelle, mais c'est son staff, son équipe. Mais après, il n'y a pas que mon père. Hein. Tous les Congolais intellectuels et notables de l'époque étaient souvent sollicités pour faire partie de l'entourage du gouvernement en place, mis en place par Mobutu. Alors il y a un truc qui est génial, c'est que votre père donc, va finalement trouver un maire qui l'accepte, c'est le maire de Marly Gaumont, mais qui dit attention, là-bas on n'a jamais vu de black, et donc votre papa appelle la famille qui est restée en Afrique, et sauf que ça, la femme de votre papa, elle comprend que c'est Paris. C'est vrai qu'elle croit, voilà, que c'est Paris, chez Champs-Élysées. Alors elle tombe super de haut. Elle tombe de haut, mais elle n'avait pas quand même cet accent en Champs-Élysées. C'est mon imitation de l'accent africain. Moulin Rouge. Africain du Sud. Hein, du Sud, oui, beaucoup du Sud, oui. Non, elle a râlé, votre mère, elle l'a mal vécu, c'est arrivé en France? Elle a beaucoup souffert parce qu'elle, justement, elle était habituée au Congo, elle avait ses petites habitudes, le Congo c'était vivant, bruyant, et du jour au lendemain, elle arrive dans un village paumé où il y a rien, où il se passe pas grand chose, où il y a que des vaches, des personnes âgées. Et effectivement, pour elle, c'était vraiment un vrai choc. Et donc, elle a dû affronter tout ça avec ses propres armes. Et c'est ce qui rend aussi intéressant le film, de voir mes deux parents, comment ils évoluent dans un contexte inattendu pour eux, quoi. Alors, le film est drôle, vous l'avez vu, Cathy, mais c'est vraiment la chronique d'un petit racisme ordinaire de village, parce qu'à ce moment où la maman de Camini va au marché, on lui dit « poireaux, légumes ». On lui parle en petit nègre, quoi. C'est oui, la chronique oui, du racisme ordinaire. Mais on n'est pas chez Bienvenue chez les Ch'tis, où on n'est pas dans du gag en permanence. Ici, on est vraiment dans quelque chose de très tendre, de très, très doux. Et moi, je conseille aux familles d'aller voir ce film, parce que je pense que même vers 8-9 ans, on peut aller le voir. Moi, j'avais une petite larme à la fin. Marc Zinga, qui est un acteur belge qu'on a vu notamment dans James Bond. Mmh. C'est la première fois qu'il a un vrai premier rôle comme ça, et le rôle d'un papa qui veut tout faire pour sa famille. J'étais extrêmement touchée. Pourquoi vous n'avez pas joué le rôle de votre papa? Vous auriez pu, dans le fond, pourquoi vous ne jouez pas le rôle de papa? Parce que déjà, dès le départ, quand j'ai écrit le scénario, j'écrivais déjà pour des comédiens. Et en plus, Marly Gaumont, Camille, Marly Gaumont, le lien est beaucoup trop proche et ça n'aurait pas permis aux gens de plonger dans l'univers de la famille en 1975, en 1975, pardon. Oui, merci de traduire. De la famille. Parce que sinon, j'avais pas compris du tout, merci de traduire. Ouais. Non mais voilà, si j'avais joué dedans ou si j'avais joué le rôle de mon père, il n'y a pas de distance. Et on peut pas créer vraiment la fiction, plonger les gens dans l'univers de l'époque et dans la famille et... Voilà, et moi, de toute façon, dès le départ, je n'avais pas écrit pour moi, j'écrivais vraiment pour des comédiens. Ah, c'est vrai que votre père, il est à la fois sucré-salé, parce qu'il fait tout, effectivement, pour s'intégrer. Il va aller au café, jusqu'à picoler pour démarcher de la patientèle, parce que la salle d'attente reste vide. Mais à la maison, il est strict. Il ne veut plus que vous parliez lingala. Il veut gommer toutes les traces africaines en vous. Il était plutôt sévère, du coup. C'était pas simple. En fait, il voulait juste notre bien, qu'on s'intègre le plus parfaitement possible, qu'on n'ait pas d'accent, qu'on parle un très bon français. Alors, c'est vrai que des fois, il allait très loin au point d'oublier sa propre identité. Et c'est ce qui génère aussi des intrigues et un peu des conflits familiaux à l'époque et aussi bien dans le film. Et c'est vrai qu'il allait un peu loin, mais c'était pour notre bien. C'était comme il était orphelin Il est né orphelin au Congo et il s'est fait tout seul. C'était un homme qui n'avait pas forcément tous les repères. Attention que tout n'est pas biographique dans le film, parce que vous n'êtes pas né en Afrique, vous êtes né où, Camini? Alors moi, je suis né à Lenouvian-en-Thiérache, à 14 km de Marly-Gaumont, mais dans la vraie vie, j'ai deux frères, deux sœurs, deux demi-frères, deux demi-sœurs, dont certains qui sont nés vraiment au bled. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un condensé du vécu de tous les enfants, et on l'a attribué à Camini et Sivi. Parce que bon, le petit Camini, c'est comme c'est le film, c'est Marly-Gaumont, c'est important pour la dédicace. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Vous êtes vraiment noir ou pas? je suis vraiment noir. Ah oui, parce qu'on ne sait plus. Je vérifie parce qu'on sait. Je suis vraiment noir. Voilà. De la chance, c'est le téléphone qu'on voit rien. Bon, la chanson, c'est terminé. On vous reviendra à la chanson après ça. Alors, je prépare un album en indé pour septembre-octobre. Mais sinon, je suis en permanence en tournée avec mon spectacle. Il faut que vous explique en one man show. Donc, toutes mes dates sur Camini Officiel, mon Facebook, pour les gens qui veulent me suivre. Il est bien, il fait ça tout seul. Mais oui, il fait sa promo tout seul, c'est pas mal, on peut aller boire un verre. Il a une formidable attachée de presse et je sais de quoi je parle. Ah bon, c'est qui? Oui, c'est Valérie. C'est Valérie. Hein, c'est quoi, c'est la vôtre? C'est la même? Coucou Valérie. Ah oui, mais vous n'êtes pas noir. Ah bah écoutez, je vais vérifier. Eh ben alors, vous n'auriez pas pu jouer dans Marly-Gaumont, forcément. Sûr. Alors, Camini est toujours en ligne. Honnêtement, Cathy, est-ce que le film est bon? On peut dire, Camini, si vous n'êtes pas content de la critique, vous raccrochez. Hein. J'ai trouvé que c'était un peu naïf, un peu cousu de fil blanc, c'est-à-dire qu'on s'attend au déroulé un petit peu de l'histoire, on se doute que ça se termine bien, mais c'est très généreux. Donc je pense qu'un mercredi après-midi, avec des petits bouts, pourquoi pas. Et un jeudi, potentiellement. À la télévision. Pas le vendredi. Pas le vendredi. Donc vous voyez que cette critique est très très fine, Camini. Hein. Il n'y a pas de souci. Moi, à la base, c'est vraiment un hommage à mon père. Voilà, je voulais vraiment lui rendre hommage. Je trouve que c'est un personnage de cinéma. Naître orphelin, finir médecin avec en Picardie, dans un petit village, avec une population qui n'est pas forcément prête à ça. Il est mort en quelle année, votre papa? La deuxième patientèle la plus grosse de Picardie. Je trouvais qu'il méritait son hommage. Oui, bien sûr. Il est mort en quelle année, votre papa? En 2009. Cathy? C'est vraiment suite à son décès que j'ai écrit le long métrage. Moi, j'ai envie de souligner la qualité des décors et des costumes, surtout toute cette histoire de la sape africaine. Avec, on a tous les contrastes avec la famille bruxelloise. Et le générique. Dites que le générique du film est génial en Afrique, avec la musique du générique. Rien que pour ça, payer une demi-place, aller rien que pour le générique. Et puis un peu de poésie, ça fait du bien aussi par les temps qui courent. Et de la gentillesse et des bons sentiments. Oh, bisous à toi, bisous à toi et bisous à toi. Bonjour Chaise. Camini, on se rappelle. Oui, oui, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup d'amour sur le plateau ce matin, c'est bien. Oui, mais faites gaffe, elle est mariée, la nana. Camini, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'être passé ce matin. Salut. Merci à vous, merci tout le monde, merci de la Belgique. Merci à bientôt. Et tout ciao, ciao, ciao. Raccrochez. Bon, c'est pas mal, c'est gentil. C'est mignon, c'est pas mal. C'est très gentil. Oui. C'est mignon. Il est sympa. Voilà. Ouais, non, mais le film est chouette. Un bel hommage à son papa. Ouais, franchement, il y a un bel hommage à la communauté africaine aussi qui parfois a du mal à s'intégrer. Allez voir ce film, Camini. Bienvenue à Marly-Gaumont. Dans un instant, qui a dit? Fêtez papa avec Ici Paris XL. Surprenez votre papa avec un magnifique parfum et recevez un soin pour homme Ici Paris XL gratuit. Plus d'infos sur iciparisxl.be. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mm. Et alors l'après-midi, ça, on est fou, on part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Vivacité présente. Immergez-vous dans le bio. Du 4 au 12 juin, producteurs et professionnels du secteur vous accueillent pour une plongée dans la nature. C'est la semaine bio. Ferme ouverte, ateliers ludiques et dégustations fleuriront aux quatre coins du pays pour vous mettre l'eau à la bouche. Info sur semainebio.be. Une initiative de la PACW. Ce samedi chez Brico, tout sera à moins 20% pendant les deux premières heures d'ouverture. Moins 20%. Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. Cette semaine, le tip-top de Vivacité met Boulevard des Airs à l'honneur. Pour fêter la réédition de leur album Bruxelles, nous vous invitons à Paris le 16 juin pour leur concert-événement à l'Olympia. Demain, de bon matin. Tout est compris, le voyage aller-retour, l'hôtel et vos tickets pour ce concert ultra complet. Cette semaine, Boulevard des Airs est dans le tip-top dès 19h. Vivacité à Esneux, en toute complicité, sur 90.5 FM. Viva, viva, viva, viva. 8h, 9h, le 8-9. Ah, ça c'est quelque chose. Le Kikadi s'installe à Marbehan. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes où dans les embouteillages ce matin? J'ai passé la douane, donc ça, ça va. Je me suis arrêté sur le premier parking autoroutier pour avoir un peu de réseau. Pourquoi est-ce que vous passez la douane à 8h49? Qu'y a-t-il dans votre coffre? Enfin, on a le droit de passer la douane et pour aller travailler. Non, vous savez très bien ce qu'il a dans le coffre. Enfin, non, vous arrêtez, mais vous parlez de coupons. Taisez-vous. J'ai des coupons et tout ça, voilà. Donc il vaut mieux se taire. Dans le coffre? Et de la drogue, mais ça, je gagne rien. Mais vous avez quoi comme bagnole? Si vous avez une Smart, une quoi? Elle est visible, en tout cas, ma voiture. Elle est rouge? Visible, ma voiture. Ça a une Ferrari? Non, quand même pas. Non. J'ai pas ce genre de véhicule-là, non. On jouait quelqu'un qui a bénéficié de l'amnistie fiscale de l'année dernière. C'était Monsieur Délu. Sans pitié. Monsieur Délu. Il a mis ça sur sa plaque, voilà. Si ça tombe, Délu. Grégory, voici le Kikadi de ce matin. Oui. Vous identifiez la phrase, il y a un cadeau à la clé et un mot pour le live de ce vendredi. Vos problèmes, on ne les voit pas. Nous, on est des touristes, on ne voit que des gens souriants. Qui dit ça à propos de la Belgique et de son passage en Belgique récent? Vos problèmes, on ne les voit pas. On est des touristes, on ne voit que des gens souriants. C'est Jean-Claude Van Coenberg qui dit ça parce qu'il est venu à Bruxelles. C'est Franck Dubosc qui dit ça parce qu'il est venu à Bruxelles. Ou c'est Vincent Compagnie qui dit ça car il est venu à Bruxelles et que de toute façon, il ne joue plus au foot. À votre avis, qui dit ça, Sarah? Franck Dubosc, parce qu'il est en tournage chez nous. Il est pas mal dans la presse. Qui dit ça, Franck Dubosc, qui est venu présenter Camping 3 hier ou avant-hier, donc il est là, ça doit être lui. Qui dit ça, Jérôme? De toute façon, même si je vous dis l'un des deux, vous allez vous ranger à la masse. Donc, pas sûr, un petit caliméro dans la bande. Oui, pas sûr. J'ai ma petite coquille fendillée. Grégory n'est pas un genre d'homme comme vous, il a des mallettes avec des billets dans le coffre. C'est vrai. Il a un autre comportement que le vôtre. C'est vrai. Grégory, vous faites quoi? C'est-à-dire, je fais quoi comme métier ou vous voulez m'arrêter? Non, vous faites quoi dans le jeu? Parce que moi, votre business à la douane m'intéresse très peu. Vous choisissez qui? Franck Dubosc. Il dit Franck Dubosc. Bravo, monsieur Madoff. On va gagner. Parce qu'il est en train de tourner Boulet Bill... Il est en tournage chez nous. Ouais. Mais c'est Boulet Bill 2 ou 3? Je pense que c'est le 2. Le 2. C'est bien le 2, ouais. Et apparemment, il tournait hier, notamment avec une 2 chevaux, mais il faisait dégueulasse hier dans la capitale. Donc on va voir si ça se verra dans le film. Le cadeau pour vous, Grégory. C'est la radio Dynamo. Bravo. Qu'il faut remonter soi-même si elle veut marcher. Génial. Elle est rechargeable manuellement. Grâce à votre wheel de coude, vous pourrez tourner et charger cette radio qui vous permettra d'écouter la radio pendant, tenez-vous bien, 30 minutes. Wow. Mais quelle autonomie. Alors, en cas de coupure de courant, au moins, ça sera pas mal. Mais bien évidemment, faites demi-tour et quittez ce Luxembourg qui n'amène rien. Revenez. Alors, pendant que je prépare la radio Dynamo, le mot que vous imposez pour le live de vendredi? C'est touffaille. Qu'est-ce qu'une touffaille? Une touffaille, c'est une spécialité gaumaise. Mais une touffaille. Mais il y a quoi dedans? Il y a des patates, il y a des oignons, il y a des saucisses fumées, enfin ça mijote le tout, on laisse ça au moins, une bonne journée, et puis on mange le lendemain. C'est une potée. C'est un plat d'époque, quoi, donc en gros c'est vraiment un plat costaud. C'est pour ça que je vous demande, parce que la touffaille elle s'appelle autrement en fonction des endroits, hein, bien donc sûr. C'est un truc léger pour l'hiver. La touffaille, voilà. Maintenant, quoi. La touffaille est là. Salut Grégory et bonne route. Merci, hein. À bientôt. Dans un instant, le cinéma de Madame Imelone. Oui, passons, oui. Tu sens bon, c'est quoi? De Roanne. De Roanne? Eh oui. Celui qui nous livre nos fournitures de bureau? Eh oui. En juin, commandez vos fournitures de bureau chez De Roanne et recevez des bons cadeaux ici Paris XL. Et vous pouvez même accumuler. De Roanne, grâce à l'œil, fourniture de bureau est 100% liégeois. Infos et conditions sur deroanne.be. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Covitain Construction vous invite à découvrir sa nouvelle réalisation ces 11 et 12 juin. Visitez nos appartements témoins situés au cœur de Warem, rue Rena Street 42. Plus d'infos, covitain.be. Les belles maisons, c'est Covitain Construction. Et si vous aviez un webshop? comme celui que Oxfam Magasin du Monde est en train de tester gratuitement pour l'instant. Les Magasins du Monde Oxfam, ce sont 70 magasins, 4000 bénévoles, un large choix de produits 100% équitables. Alimentation bio, bijoux, accessoires de mode, déco, produits de soins, vendus à des prix justes pour les producteurs et les consommateurs. Et maintenant, aussi disponible sur notre webshop. Intéressé ? Surfez vite sur cbcpopupwebshop.be. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. À l'euro, les diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme le cabas de fruits de saison contenant 1 kg de pêche, 2 nectarines, 2 kiwis, d'oranges et un ananas pour seulement 6,99€. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Les matous exigeants, les toutous gourmands, tout le monde est content. AVV. Tout pour le jardin, les animaux et la boulangerie maison. Le 8-9. C'est la question d'intérêt général. La voici. Marwan Fellaini arbore une nouvelle coiffure improbable. Quel serait son nouveau surnom? Sur la page Facebook, Fabrice Mas, quand ça ira mal, Will Motz pourra faire appel à lui comme roue de secours. Oh, joli. Gabriel de Villoni, un pour tuche, tuche pour un. Là, il faut avoir vu le film. Ah oui, même dans la bande-annonce. Tout à fait. La cuite du jour, le magasin des Deleuze de Glin propose des paquets de mouchoirs aux supporters italiens pour l'euro. Oh. Que proposeriez-vous d'autre dans la même veine et pour quelle équipe? Bon, ben répondez sur la page Facebook du 8-9 qui est à votre disposition. On corrige ça ensemble demain et sur vivacité.be, la revue de presse, toute l'équipe qui commente le journal ce matin, notamment ceux qui ont eu des inondations et qui essayent de mentir à l'assureur en disant qu'il y avait des homards plein le congélateur, alors qu'il n'y a jamais eu de homards dans le congélateur. Vous verrez comment Sarah encourage le mensonge. Ah, ben si, vous encouragez le mensonge. Eux aussi, ils mentent. Qui, eux? Ils mentent sur des homards, c'est bien. Vous, on nous ment, on nous spolie. Vous mentez, vous le savez. Vous arnaquez. Bon, 8h55, retournons au cinéma, Cathy. Donc, on a parlé de l'économie du couple tout à l'heure. On a parlé de Bienvenue à Marley Gaumont. Alors, il y a un film qui vous tient à cœur, qui s'appelle Maloute. Alors, j'ai pas forcément dit qu'il me tenait à cœur, mais en tout cas, il est interpellant. Dont vous souhaitez parler ce matin. Voilà, on va dire ça. Parce que c'est un film signé Bruno Dumont, qui est un très très grand réalisateur français, mais un réalisateur de films extrêmement sérieux, extrêmement pointu. Et là, il s'est lancé dans la comédie loufoque, une comédie burlesque qui se passe sur une belle plage du nord de la France à la belle époque, avec des acteurs, je ne vous dis pas encore qui sont en surjeu en permanence. On va écouter un petit extrait, vous allez me dire si vous reconnaissez qui joue. La glycine, elle a pris 2 mètres. Tout pousse, André, tout pousse. Et mon petit frère, comment va-t-il? Jamais je ne m'habituerai à la beauté de ce paysage, jamais. Pourtant, vous venez tous les ans. Hein. Est-ce que vous avez reconnu Lucchini. Lucchini. La deuxième, j'ai pas... Valeria Bruni Tedeschi. Ouais, la et troisième. Juliette Binoche. Ah ouais. Voilà. Belle affiche. Très, très beau casting pour un film qui est vraiment dans un humour totalement burlesque, loufoque. Je pense pas que tout le monde va accrocher parce que tout le monde est en surjeu. C'est pas fatigant, justement. Ouais. C'est un peu étrange. Moi, je suis restée un peu circonspecte. J'ai ri, mais en même temps, j'ai trouvé le temps un peu long parce qu'on est vraiment dans quelque chose d'atmosphérique. On est proche de l'univers de la bande dessinée. C'est en tout cas très original. C'est nul. C'est spécial. Oh. On a des scènes où Lucchini appelle tout le monde en disant « C'est l'heure de l'apéritif !» Voilà, ça peut vite taper sur le système ou si on accroche, on peut bien s'amuser. Mais en tout cas, les images de la côte française sont absolument magnifiques. Ça donne envie d'aller en vacances. Racontez comme ça, je veux savoir qui autour de la table va y aller. Sarah ? Oh non. Eh bien, moi, je dois dire que je me laisserai peut-être bien attenter. Pourquoi pas ? Par l'apéritif. Un doigt de whisky. Ah oui, avant après le whisky, oui. Soit. Alors, au suivant. Michael Moore revient avec Where to Invade Next. Alors, Michael Moore, vous voyez qui c'est, réalisateur américain de documentaires. Il avait fait Bowling for Columbine sur les armes à feu. Fahrenheit 9-11 qui a reçu la Palme d'Or, c'était un brûlot contre Bush. C'est un réalisateur de documentaires engagé où il a souvent de la mauvaise foi pour démontrer un petit peu ses idées. Et l'idée de départ ici est excellente. Il dit, les États-Unis, nous, on envahit plein de pays, on essaye d'avoir du pétrole par-ci, de vendre nos armes par-là, et à part user de l'argent, le budget de l'État, ça ne nous ramène pas grand-chose. Et si on allait plutôt envahir des pays et qu'on allait leur piquer leurs bonnes idées? Et donc Michael Moore, avec son petit drapeau, débarque en Europe et fait un peu le tour de l'Europe pour voir quelles sont les bonnes idées de gauche et humaniste sur l'État interventionniste. Donc il va en Italie et il dit « Bonjour, les congés payés, vous avez des congés payés ? Vous êtes payés à ne rien faire l'été ?» Et puis il va en Slovénie « L'école est gratuite ? Comment ça l'école est gratuite ? » Il va en France oh, « Vous avez autre chose que du coca à la cantine ?» Et donc c'est vraiment pour démontrer que les États-Unis, il n'y a quand même pas grand-chose qui fonctionne. J'ai trouvé ça amusant à suivre, mais en même temps, je pense que le public cible de ce film, ce sont les Américains qui vont voter pour Donald Trump. Mmh. C'est pour les empêcher de voter pour Donald Trump. Donc, amusant, mais pas pour nous. Cathy, j'ai que 10 euros. L'économie du couple, Malout, Where to Invest Next ou Camini ? L'économie du couple, c'est du belge et c'est bon. D'accord. Et à bientôt. À la semaine prochaine. C'est grave, docteur ? Non, c'est une petite bentekite, c'est déjà pas une compagnie. Oh, vous me rassurez. Je vais vous prescrire quand même du Lucacox, vous serez vite sur pied. Merci, docteur. Toute la Belgique est folle des Diables Rouges. Vous aussi ? Alors complétez vite votre collection de stickers Panini avant le 28 juin, en exclusivité dans les hypermarchés Carrefour, les Carrefour Market et les Carrefour Express. Info en magasin et sur faitonlefoot.be. Soleil ou vent ? Vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. Pourrez-vous surjouer le début de la météo, Denis ? Mais sans problème, Benjamin, sans problème. Les problèmes vont s'éloigner, la pluie... C'est très énervant comme style. Oui, hein. En fait, là, la normale. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Allez, bon, on voit le bout du tunnel. Ça y est, la masse d'air change enfin. Évidemment, si vous êtes actuellement au sud du Sion-Sambre-et-Meuse, vous avez encore de la pluie et là, vous ne voyez pas beaucoup de changements par rapport à hier. Par contre, sur le nord du pays, c'est déjà un temps plus sec. Le vent du nord va chasser cette pluie ce matin vers le sud et en fin de journée il devrait commencer à faire sec partout. Les températures baissent parce que le vent tourne au nord, 17 à 22 ou 23 degrés. Bonne nouvelle, demain et vendredi temps sec sur nos régions, beaucoup de grisailles certes mais des éclaircies et une moyenne de 17 à 20 degrés, peut-être encore 22 pour demain. On devrait encore profiter d'une journée agréable samedi. Écoutez Viva, il est 9h. Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Les pelles, les brosses, les raclettes, ce sont les trois outils indispensables ce matin dans de nombreuses régions. Il faut effacer les traces des orages d'hier, l'eau a envahi les caves, la boue s'est incrustée dans les rez-de-chaussée, sans parler de l'état des jardins. Dans le Brabant wallon, l'eau se retire petit à petit ce matin. Alors, que font les habitants ? Eh bien, depuis lors, on ne fait que racler, et racler, et racler. Voilà. Et à l'intérieur, c'est comment ? Entrée, c'est plein de boue. Je dis maintenant, il n'y a plus trop d'eau, maintenant c'est beaucoup de boue et on va devoir frotter. Je pense qu'on en aura pour toute la journée. Et vous frottez depuis combien de temps ? Là, maintenant, depuis 3 heures du matin. Pardon ? Depuis 3 heures du matin. Et ça arrive souvent ici ? Moi, non, c'est la première fois. Oui, oui. Et ça fait combien de temps que vous habitez ici ? Moi, j'habite à Cour-Saint-Étienne, ça fait 20 ans que je suis ici. Jennifer et Isabelle, deux habitantes de Cour-Saint-Étienne qui s'entraident pour nettoyer la boue ce matin. Des interviews de Monica Wachter. Tout le monde ne peut pas encore empoigner sa raclette. Dans le Hainaut, l'Escaut et la Dendre sont toujours en alerte de crue. L'eau commence à peine à baisser dans certains villages. C'est le cas à Aire, dans l'entité de Tournai, où vous vous trouvez ce matin, Vinciane Vautron. Vinciane, à l'heure où on parle, les habitants là-bas ont toujours les pieds dans l'eau. Oui, c'est un véritable torrent qui traverse en fait le centre du village. Le niveau de l'eau atteint 1,50 m par endroit. Pour vous donner une idée, une boîte aux lettres de la poste est complètement sous eau. Une voiture, elle, est totalement invisible, enfouie sous les torrents d'eau. Alors face à cette situation, les habitants ne savent pas faire grand-chose. Pour le moment, il faut attendre que le niveau baisse. La décrue commence d'ailleurs tout doucement à être amorcée. Les habitants sont réunis ici au centre du village. Bottes aux pieds. Alors pour arriver jusqu'ici, un homme avait même de l'eau jusqu'à la poitrine. Ils ont donc tous des mines fatiguées. Ils ont peu ou pas dormi. J'en ai même vu pleurer face à l'ampleur des dégâts. Certains sont excédés par la situation. Il faut dire qu'il y a 10 ans, le village était déjà sous eau. Alors la solidarité